Assis dans cette salle obscure, tu regardes monter la température. Tu ne sais pas ce que tu fais là, tu ne t'en souviens pas. Il entre, il est étrange, il dit que tout s'arrange. Il est commis d'office pour comprendre tes vices. Il te demande si tu as des choses à te reprocher. Tu ne vois vraiment pas de quoi il veut parler. Car c'est toujours la même histoire. Oui, c'est toujours la même histoire. Voilà, face au juré, et vous continuez à nier. C'est touchant de votre part. J'appelle le premier témoin à la barre. Le contenu de ta vie se répand par terre. Et les démons à peine sortis se désaltèrent. L'histoire t'a rattrapé, l'histoire nous rattrape toujours. Les fantômes du passé sont de retour. Car c'est toujours la même histoire. Oui, c'est toujours la même histoire. Le marteau retentit, il n'y aura pas de sursis. Les preuves sont accablantes, confie la présidente. On appelle les vigiles, c'est un coup monté, tu hurles. Tu peux y aller, dit-il, en fermant ta cellule. Et maintenant tu as tout le temps. Oui, maintenant tu as tout le temps. Car c'est toujours la même histoire. Oui, c'est toujours la même histoire.